On fera, si on est assez nombreux, une petite manif rive gauche, rive droite, et qu'il faut surtout essayer, en fait on n'a pas le temps de commander des lampions, et donc il faut ramener des lampes torches, voilà, vous voyez avec les collègues, les camarades, qu'on ramène un peu de lumière, hein, on fera du bruit c'est sûr, mais si on peut avoir quelques lampes en dehors de téléphone, ça peut être pas mal. Là ça a été un appel à venir à Sens-Vert, qui est un autre... Il y a un grand centre commercial de Rouen qui est là pour faire un rassemblement aux flambeaux comme il y a eu à Marseille il n'y a pas très longtemps pour protester, pour investir la rue de manière différente. Quoi. Là, les camions sont contents parce que les barrages se rouvrent un petit peu pour les laisser passer. Et ils saluent les personnes qui sont en lutte sur ce blocage. Vous tenez bien le blocage, hein. Ça c'est super, ça. Ouais. Ah, il y a longtemps qu'on aurait dû le faire. Ouais. Ouais, c'est des moments qui sont très conviviaux. Parce que là, ça. Ouais, regardez les Belges, ils n'ont pas eu pour longtemps de faire ce truc, hein. On aurait dû faire pareil. Il y a longtemps que ça serait débloqué, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Belges? Eh ben, ils ont tout cassé au démarrage et puis voilà. Je dis pas de casser parce que moi je suis pas casseuse, mais bon. Vous êtes gilet jaune? Oui. En l'occurrence, vous avez un gilet orange, mais. Mais j'ai oublié dans la voiture et il est resté chez moi. C'est quoi votre prénom? Viviane. Enchantée Viviane. Est-ce que vous voulez dire pourquoi vous êtes ici? Pour les retraites, pour le pouvoir d'achat, pour tout. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va dans ce pays depuis un moment. De toute façon, nous, ça fait un an, bientôt un an et demi hein, qu'on manifeste. On en a marre, et ben, il va falloir que ça, qu'on bloque. Et voilà. Vous étiez sur le... Ouais, on va faire gaffe parce qu'il y a des voitures qui repassent. Faut qu'on bloque dur. Voilà. Vous étiez sur le rond-point des vaches? Oui. Ben, vous êtes sur le rond-point des vaches? Oui, oui. Ouais. Là, depuis un petit moment, on est un petit peu partout, forcément. Il ouais. Faut qu'on bouge. Hein. Vous êtes sur toutes les actions interpro, sur toutes les, ah oui, les manifs. Oui, tout. Ah oui, mais on a beau être papy, mamie, mais il faut y aller. Ah bah vous, parce que là, vous êtes la première à tenir les palettes pour bloquer les camions. Il faut qu'on y aille parce que de toute façon, c'est le. Là, ça va être les riches et puis les pauvres. Qui grossissent. Vous faites le signe que les riches grossissent et puis les pauvres immigrés. Voilà. Oui. Comme ça. Malheureusement. À un moment, on va craquer. Mais même si on craque, on persistera. Voilà. Merci. De rien. Il y a des manœuvres pour faciliter le passage à une ambulance qui est en train d'arriver au fond. Du coup, on débouche au niveau des camions qui sont juste devant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant? Ouais, enseignant à la fac. À la fac et vous êtes là sur le blocage appelé par les cheminots et l'interpro. Voilà, exactement, appelé aussi par les enseignants, la GEDUC, toutes les professions qui sont mobilisées, okay. Tous les syndicats, ouais. Qui appellent à la mobilisation, qui appellent à pas lâcher. Vous êtes en grève vous-même? Alors, nous à la fac c'est un peu compliqué parce qu'en fait on a des obligations de service qui sont un peu particulières. Moi par exemple j'ai pas cours aujourd'hui donc je suis pas recensé gréviste. Voilà, certains cours, on les reporte, on les fait à des moments où il n'y a pas d'action, des choses comme ça. Donc on s'organise pour pouvoir participer aux actions. C'est ce qui fait que c'est un peu difficile de lancer un vrai mouvement de grève sur la fac. Mais bon, les étudiants commencent à s'organiser, on essaie de les aider. Et voilà, on espère que ça va monter en puissance et qu'on va pouvoir rejoindre le mouvement. Bon, même si c'est un peu tardif pour nous. Mais voilà, on était en fin de semestre, au mois de décembre, c'était compliqué parce qu'il y avait des examens et des choses comme ça. Là, on démarre le deuxième semestre, c'est un peu plus facile. Donc j'espère qu'on va rejoindre complètement la mobilisation. La fac de Mont-Saint-Aignan, vous êtes ? Alors moi, je suis au Ménrier, en fait. Je travaille au Ménrier, à la fac de sciences. Mais bon, je suis aussi pas mal à Mont-Saint-Aignan. J'ai un certain nombre de cours qui sont à Mont-Saint-Aignan, donc je suis sur les deux sites. Et au Madrier, les étudiants se mobilisent aussi ? Ils se mobilisent petitement pour l'instant parce que voilà, c'est un peu loin pour eux quand même, pour les étudiants. Donc c'est un peu difficile. Les mouvements sur les retraites, il y en a déjà eu beaucoup. On n'a jamais vraiment réussi à mobiliser massivement les étudiants. Mais je pense que pour qu'ils puissent se mobiliser, il faut que les enseignants eux-mêmes soient mobilisés. Et c'est ça la condition. Donc voilà, il y a une AG Éduc qui fonctionne bien. Au niveau de l'université, c'est quand même plus compliqué. Votre prénom, c'est quoi ? Pierre-Emmanuel. Merci. Voilà. Les voitures. Il y a un monsieur qui n'est pas content parce que, étant donné qu'il a doublé toutes les autres voitures, les bloqueuses et les bloqueurs le font patienter plus que les autres. Il essaye de forcer le passage en permanence. Toutes les voitures passent sauf lui en fait. Il a essayé de renverser deux personnes, il a forcé le passage. Ouais, il pensait passer, du coup il a 20 personnes autour de sa voiture, hein. Il ne peut plus vraiment passer là.